Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Résistante, survivante, journaliste, correspondante de guerre en Indochine puis en Algérie, Madeleine Riffaut témoignait de ses engagements sur France Culture au cours de l'été 1993. Son métier, simplement envoyer des articles depuis l'endroit où elle se trouve pour informer les lecteurs français. Et, à Paris, rencontrer des visages, des hommes et des femmes qui veulent raconter. Des êtres engagés totalement ou des êtres qui simplement ont croisé l'histoire et leur bourreau. Témoigner, épouser la cause des peuples en lutte, au risque peut-être de rester aveugle sur certaines pratiques des victimes elles-mêmes ou sur les suites de la libération, cela, c'est une autre histoire. Je voulais rapprocher les peuples. Un rêve. Une utopie. Madeleine Riffaut, La mémoire sauve, par Ludovic Cellier, réalisation Marie-Christine Clouzet. Voici le cinquième volet, Algérie, les mouches vertes. Première diffusion sur France Culture, 6 août 1993. Madeleine Riffaut, La mémoire sauve. Ludovic Janvier, du nouveau sous les ponts. Ah, il les fout à la Seine. Anonyme. Il y a eu la journée du 17 octobre, et celle d'avant, et celle d'après. Et les cadavres dans la Seine et les cadavres dans les bois. Aucune enquête sérieuse n'a été faite, ni aucune sanction prise. Emmanuel Dastier de la Vigerie. Vous parlez d'octobre 17, moi je pense au 17 octobre. Paris 61, 17 octobre, on est à l'heure grise, où le pays se met à table en disant « c'est l'automne ». Lorsque silencieux, venus des bidonvilles et cagnas, des Algériens français sur le soir envahissent de leur foule entêtée les boulevards. Ils n'aiment pas ce couvre-feu qui les traite en coupables. Décidément, ça fait trop d'Arabes qui bougent. Le pouvoir envoie ses flics sur tous les ponts, nous montrer qu'à Paris, l'ordre règne. Il pleut sur les marcheurs et sur les casques. Il va pleuvoir bientôt sur les cris, pleuvoir sur le sang. Sur Hassène Boulanoir, battu puis jeté à l'eau, en chemise et sans connaissance, vers Notre-Dame, il fait noir. Le choc le réveille, il nage. La France, elle, en est à la soupe. Et sur Bachir Aïdouni, pris avec d'autres marcheurs, lancés dans l'eau froide, allés simples de leur douar jusqu'à la Seine. Bachir seul retouche au quai. La France, elle en est au fromage. Sur Kébar, avec trois autres qui tombent depuis le pont d'Alfortville, on leur a cogné moins fort puisqu'il en remonte. Les frères, où sont-ils passés? La France, elle en est au dessert. Et sur les quatre ouvriers menés d'Argenteuil au pont neuf pour y être culbutés dans l'eau noire, en souvenir de nous, un seul va survivre. La France, elle, en est arrotée. Et sur les 30 à Nanterre, roués de coups, précipités depuis le pont dit du château, 15 à peu près vont au fond, tirent à vue sur ceux qui nagent. La France, elle est bonne à dormir. Aussi insupportable que cela puisse paraître, au beau milieu de la guerre d'Algérie, Madène Riffaut va bien. Peu à peu, l'horreur généralisée l'a guérie de sa douleur de survivante. Grand reporter, journaliste engagé, ces termes ne suffisent plus à la définir. Madeleine est devenue correspondante de guerre. À Alger, Bizerte ou Oran, à Marseille, Lyon ou Paris, la petite fille qui voulait décrocher les Christs s'attarde désormais sur les milliers de visages qui disent la certitude et la justesse de la cause algérienne. Parmi les visages dont je me souviens, je me souviens d'un... Enfin, un jour, j'étais dans mon bureau au journal et on me dit... Il était très tard, c'était la nuit, il faisait froid, tout ça. Paris était grelottant dans toute cette répression. Je crois que c'était avant les grands massacres d'Algériens, quand les ratonnades ont fait tant de milliers de morts et de déportés en novembre 61. C'était avant ça. Mais c'était au moment où la torture avait déjà passé la Méditerranée. Et il fallait vraiment avoir du courage pour, quand on était Algérien, pour faire ce qu'a fait un homme dont je revois toujours le visage, mais dont, si je sais son nom, il s'appelle Metz. En pleine nuit, c'était après les massacres des Algériens, dont nos auditeurs connaissent sans doute l'histoire. Dans ce moment-là, la nuit, je faisais le marbre. Moi, j'aimais bien faire le marbre. À l'époque, on faisait ça. J'aimais bien rester la nuit au journal. Puis vers minuit, il faisait sombre, il faisait gris, il pleuvait. Quelqu'un me demande, dans le hall du garage, passant par le garage, et je descends, je vois un homme frêle, un Algérien, assez mal vêtu, mais très digne. Et il m'a dit, « Madame, je veux témoigner devant vous. » Je lui ai dit, « Je vous en prie, entrez. » Je fais monter dans mon bureau, petit bureau, et puis il me dit, « Voilà, je suis cantonnier, Montreuil. » Il avait d'ailleurs la veste des cantonniers, une veste de cuir noir qu'ont souvent les... Et je ne fais pas de la politique, rien du tout, mais j'ai été pris comme... cotisant au FLN, et puis j'ai été torturée, alors voilà. Alors je vais vous montrer, j'étais relâchée, je vais vous montrer les traces, la gégène et tout ce qu'on m'a fait. Mais je lui dis, monsieur, je sais tout cela. Nous savons tout cela. Mais j'ai peur pour vous. Pourquoi vous venez là comme ça? Je peux pas... Vous me dites une chose que je ne sais que trop. Il me dit, non. Écoute, ma fille, tu prends la photo. Je lui dis, vous voulez que je prenne votre photo? Oui, c'est mon travail. C'est ma mission pour mon pays. Alors j'ai été chercher le photographe de service et puis j'ai pris la photo de cet homme. Et puis le lendemain, il est arrivé un autre qui était encore plus gravement blessé. Et puis ils nous ont raconté toute l'histoire qui a été publiée. Et... naturellement, l'humanité était saisie. Bon, mais enfin, je me souviens toujours, surtout du premier, de Metz, la façon dont il est sorti de l'ombre et dont il est rentré dans l'ombre. Je ne l'ai plus jamais revu. J'ai fait l'article, le journal a été saisi, et il n'est pas mort. Parce qu'il y a 3 ou 4 ans seulement, fin 89, voilà, j'ai appris... qu'il était revenu dans les anciens locaux du journal où personne ne l'avait reconnu, bien sûr, personne ne le connaissait, et il avait demandé à me voir. L'innocence est toujours le plus court chemin d'un point à un autre, mais elle n'est jamais reconnue. Lui, innocent, venant d'Algérie, s'est souvenu de ce que nous avions fait pour lui. Mon Dieu, de ce qu'il avait fait pour nous. Et il voulait nous dire merci. Il est allé sur les lieux, il n'a plus trouvé de journal, il n'a plus rien trouvé. Il a fini quand même par récupérer quelqu'un dans une municipalité de la banlieue Dietrouze, qui a pu lui donner mes coordonnées. Et je lui ai parlé au téléphone, mais il partait le soir même et je lui ai pu lui dire, c'est moi, Sarah, Sarah. Concernant la partie guerre d'Algérie et action des rappelés, je ne saurais passer sous silence le drame qui fut celui de ce qu'on a appelé les fils de fusillés, parce que beaucoup de fils de fusillés ne voulaient pas partir en Algérie et le disaient, comme Claude Marty, ou soldats du refus. Par exemple, le 2 juillet 1956, 30 soldats casernés à Satory, sur le point de partir en Algérie, adressaient une pétition à Guy Mollet pour lui réclamer le cessez-le-feu, tout en lui rappelant que Guy Mollet avait été élu justement sur la volonté qu'il avait exprimée de ramener la paix en Algérie. Le 8 juillet, l'un d'eux était arrêté à Alger. Le 19 novembre, il était condamné à 2 ans de prison par le tribunal militaire. C'était Alban Liechti. Je me souviens très bien d'avoir été dans sa famille, voir ses parents et ses nombreux petits frères et sœurs. Et il m'avait montré la lettre que le jeune Alban avait écrite au président de la République pour l'informer de son refus de combattre, préférant, comme les autres, il y en a eu plusieurs dizaines, soldats du refus, sacrifier plusieurs années de sa vie en prison que d'aller contre leurs convictions personnelles. Et il avait dit « Je suis prêt à combattre quiconque s'attaquerait à ma patrie, mais je veux être fidèle aux traditions françaises de liberté pour la liberté et la justice ». Lettre d'Elsa, 19 février 1958. Ma chère Madeleine, comme je m'en veux d'avoir tant tardé de t'écrire. Heureusement que tu n'as pas attendu et que tes poèmes sont sous presse. Ce que j'en pense. Et premièrement, puisque je suis contente qu'ils soient sous presse, c'est que je les aime assez pour cela. Maintenant, pour toi, ce que sont à mon avis leurs défauts. Quand on exprime des idées très simples, il faut les exprimer de façon frappante, si on ne veut pas que le vin se transforme en eau. Ou alors, il faut que cela soit l'idée qui frappe. Dans cet ordre d'idées, comme exemple, le chauffeur de taxi fit cadeau de la course à mon journal, à nous, à la classe ouvrière. Eh bien, c'est très touchant, et cela ne devient pas de la poésie. Tandis que, la première fois qu'il vit de près une baignoire fut le dernier jour de sa vie. Est de la poésie, qui va fouiller en vous et mettre en branle par des chemins mystérieux l'horreur, la pitié et la révolte. Le premier, c'est un article de nos journaux. Le deuxième ne va pas à la ligne pour s'appeler poème, cela en est un. Je crois qu'il serait profitable pour ta poésie de te méfier des idées qui nous sont communes et qui demandent un tour particulier d'expression poétique, de crainte que la patte ne lève pas. Je te soupçonne de ne pas assez tendre l'oreille et de t'en remettre au chauffeur de taxi pour faire le travail. Or, ce n'est pas lui qui jamais saurait le faire. C'est le poète. À chacun son boulot. Le chauffeur a fait le geste au poète d'en faire un poème. Bon, si je te voyais, si je te disais les choses, tu comprendrais que je ne te dis rien de désagréable, juste des réflexions puisque tu en demandes. Je t'embrasse très fort, j'espère que tu prends des kilos et des kilos. Elsa Triolet. Comment ça se passait sur place, la couverture de la guerre d'Algérie? Oh, ben, vous savez, il fallait bien vu des militaires pour aller avec les, dans les djebels. Ça, c'était l'action psychologique. Alors, si j'avais été bien avec le général Massu, il m'aurait peut-être donné un sauf-conduit. Mais enfin, c'était pas tellement vraiment le cas. Alors, j'avais une copine, Christina Liesterna, qui couvrait un journal danois qui s'appelait Aftonbladet. Elle était blonde comme les blés. Jolie comme un cœur. Et comme elle téléphonait ses articles en suédois, alors personne ne pouvait savoir. Alors elle nous donnait toujours plein de papiers, elle arrivait à suivre tout le monde. Elle était super sympa. On était très peu de femmes journalistes à cette époque. Enfin, pour vous faire court, c'était... L'Algérie, c'était la France, n'est-ce pas? Alors à partir de cet axiome, cette affirmation. Je pouvais donc, avec ma carte de journaliste, moi et mes amis comme Albert-Paul Lantin ou autres, la Couture ou autre, ou je ne sais qui, mais je parle surtout de Lantin parce qu'il était plus souvent expulsé que moi. Alors, moi, je n'ai jamais été expulsé d'Algérie, je dois le dire, parce que c'est quelque chose de... Je suis fière de ça, parce qu'on m'avait appris comment faire. Bon. Alors, je vais vous raconter une histoire amusante. Alors, il fallait saisir un moment où il se passait quelque chose d'intéressant, la presse internationale, par exemple, un référendum bidon qui avait lieu, enfin un truc organisé par Action Psychologique. Alors, on se pointait avec nos cartes d'identité nationale et la carte de presse barrée de tricolore que vous avez, que j'ai, le bon numéroté, etc. Alors, on se groupait. Moi, j'étais très copain avec un pote de l'Aurore, qui était un type super sympa. Alors, je passais toujours derrière lui, il était grand, il était vaste, puis je tendais ma... on me donnait un tampon, je passais, ben, je suis française, quoi. J'ai le droit d'aller dans un département français, alors, si l'Algérie, c'est la France. Alors, une fois là-bas, ben, on allait à l'hôtel à Aleti, en général, où, comme on était toujours à peu près les mêmes, on s'était intitulé le Maghreb Circus. Mais c'était surtout Maghreb Circus au moment où on a couvert les négociations qui ont été fort longues. Elles ont duré encore 4 ans après le Tantalugrin, Bois d'Avaux, enfin, je sais pas, à Genève. On a fait le voyage, je sais pas combien de fois. On allait à Tunis, au Maroc. Enfin bon, c'était le Maghreb Circus. Alors finalement, il y avait quand même des. Alors pour ne pas vous faire expulser, il faut vous faire comme ça. Alors moi, le père Fajon. Et c'était lui, mon grand patron, finalement. Avec lui, je m'entendais très bien. Je m'engueulais beaucoup avec Andrieux, mais avec lui, non, j'étais bien, bien brave. Alors, il me disait, écoute, petite, alors tu vas pas faire l'idiote, hein, parce que sinon, tu vas faire saisir le journal. Alors, tu t'en vas en Algérie demain, hein. Tu m'envoies pas de papier. Je ne veux pas recevoir de papier. Tu sais que si tu écris, tu seras expulsé. Donc, tu écriras en rentrant. Ok. Alors, je pars avec mon ami Lantin, Albert Paul, et il me dit dans l'avion, t'en fais pas, nous on va avoir un scoop. Je suis un ancien pied noir, hein, je le connais bien, hein. Je connais bien la Casbah, je connais même des gars qui y habitent. Et il va y avoir des manifestations de femmes, on avait appelé ça les haïcs rouges parce qu'on a tiré dedans. Et nous, on va pas aller à l'hôtel à Aleti, on va aller à l'hôtel de Genève, parce qu'il est beaucoup plus près de la Casbah. On va entendre les bruits de la Casbah, tout ça, ça sera beaucoup mieux. On va aller tous les deux à l'hôtel de Genève. D'accord, on arrive à l'hôtel de Genève, ça sentait pas bon, il y avait des chevaux de frise partout, enfin c'était la guerre, quoi. On nous dit tout de suite qu'il faut qu'on aille chercher nos laissez-passer si on veut pouvoir sortir à telle heure, bon, tout ça. Et puis, on arrive et le patron qui était un Corse, là. Ah, monsieur Lantin, voilà, il y a longtemps que je ne vous ai pas vu, tout ça. Bon. Voilà, et c'est un Corse qui parle un peu arabe, quoi. Mais alors, Lantin lui dit, oui, je suis venu avec ma sœur. Ah, il dit, madame, et votre sœur. Ah, mes respects, madame. Il dit, oui, je me disais aussi qu'elle ne ressemble pas à votre femme. Oui, mais il lui dit, c'est ma sœur. Bon. Ah bon, alors je vous donne 2 chambres alors. Oui, je vous donne 2 chambres. Moi, je monte dans ma chambre avec ma valise. Au bout d'un moment, Albert Paul vient, puis me dit, waouh, là, là, là, là. Mais c'est que ça a changé cet hôtel, hein. Le patron, il me dit, dis donc, j'ai rien voulu dire devant ta sœur parce que je respecte, hein, mais tu sais, on fait bordel maintenant. Pour les paras et tout ça. Alors, mais tu sais, si tu t'ennuies après le couvre-feu, comme t'es personne, t'es tout seul, alors, on est bien installé, hein. On a même des lits de compétition. Alors Lantin, il me dit, qu'est-ce que tu crois que c'est un lit de compétition? Bon, alors jusque-là, ça va. Je lui dis, moi, je m'en fous de tes lits de compétition. Moi, je vais aller à la conférence de presse. Il dit, moi, j'y vais pas, je veux pas me faire repérer. Je fais mon papier d'ici. Tu m'apportes les éléments de la conférence de presse, du gouverneur général, et moi, je fais mon papier ce soir. Alors, je lui... Ainsi fut fait. Les gens qui avaient pris les locaux d'Alger républicain, c'était le bled, c'était justement les tensionnaires d'Alec. Alors, ils m'avaient pas... C'est un moment très pouce des généraux. Hein. Alors, ils m'avaient pas trop à la bonne. Ils m'avaient me faire un peu la gueule, évidemment. Et puis, bon, ça fait rien. Et moi, j'étais avec Noël Copin de la Croix. Ça allait très bien. Et puis... Je rapporte les informations à mon ami Lantin, qui fait son papier et qui l'envoie. Il me dit, j'ai fait de l'humour, ça passe toujours. Bon, le lendemain matin, à l'heure du laitier, 5h du matin, pampan dans la porte. Je dis, ça y est, merde, je suis expulsée. Heureusement que j'ai pas défait ma valise. Alors, j'ouvre, je vois Lantin en pyjama avec deux messieurs de la police. Et me dit, bah écoute, voilà, alors je suis expulsée par ces messieurs qui sont très gentils d'ailleurs, ils sont comme moi, ils sont dorants, alors tu vois. Alors, si tu voulais venir faire ma valise, parce que, je lui dis, parce que t'as défait ta valise aussi. Il dit, oui, je pensais pas être expulsée. Bon, alors je suis montée, et puis j'ai rangé les chaussettes et les caleçons de mon petit camarade dans sa valoche, ce que j'ai pu dire à son épouse ensuite. En faisant bien rire. Et par la suite, j'ai appris que l'article qu'avait envoyé Lantin était effectivement un article où il s'était permis de faire de l'humour. Mais contrairement à ce qu'il avait cru, l'humour ça marche pas toujours. Ne marchait pas. Ça n'a pas marché, il a été expulsé. Et bien moi, je n'ai pas été expulsé. Au même moment, il y a des avocats qui ont été expulsés, etc. Non, moi, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de m'intimider. À un moment, je suis allée pour chercher mon laissez-passer. Et il y avait un colonel qui m'a dit... vous savez, madame, vous êtes très imprudente parce qu'il y a toujours des accidents le soir et... Vous risquez de votre vie à tous les instants. Je dis, vous savez, moi je fais mon métier de journaliste, hein, c'est tout. Enfin, des histoires. Puis après le push raté, là, il y a eu. Je ne me rappelle plus quelle date c'était, mais tout ce que je sais, c'est que il y avait un cocktail de presse au journal Le Bled. Et ils avaient toujours leurs idées d'OAS dans la tête, là, hein. Et puis, moi, je suis allée, parce que je ne voyais pas pourquoi je n'irais pas. Moi, je suis journaliste, je suis française, je n'ai rien à me reprocher, moi. Alors, j'y vais, et puis, j'avais Noël Copin qui était avec moi, là, justement. Il y a deux officiers, parmi les plus factieux, qui s'approchent de moi et qui claquent les talons à la prussienne. Et l'un d'eux dit, « Monsieur, puisque vous connaissez madame, pourriez-vous nous présenter ?» Accepteriez-vous, madame, de trinquer avec nous ? Oh, oui, sans problème. Je trinque. On m'a dit, voilà, nous voulons vous dire que nous allons bientôt prendre le pouvoir en France. Et des gens comme vous seront collés au mur. Ah, mais nous vous rendrons des honneurs avant... comme pour les chefs Felaga. Oh, c'est trop d'honneur. Et il termine ses paroles par cette phrase. Madame, si vous étiez un homme, je pourrais dire que vous en avez. Ce qui a fait dire à Noël Copin, quelle curieuse manière de s'adresser à une dame. Mais... c'était leur façon de parler, quoi, c'est tout. Bon, alors c'était aussi leur fanfaronnade, parce que, bon, finalement... Fanfaronnade, s'il n'y avait pas eu 12 millions de Français dans la rue, en grève, contre ces projets, ils auraient fort bien pu marcher. Et de toute façon... tout cela, nous en rions, parce qu'il faut bien rire un peu de quelque chose de temps en temps, mais tout cela... est affreux, parce que finalement, ça a laissé des traces terribles dans l'âme d'un tas de gens. Mais Madame Riffaud, vous dites fanfaronnarde, ils ont quand même essayé de vous tuer. Ah bah oui, mais ça c'est malheur la guerre. Il y a eu 37 journalistes tués au Vietnam, là il y en a eu bon nombre. Mais je ne sais pas d'ailleurs, ça n'a jamais été totalement éclairci, mais enfin on pense que... Non, ensuite il y a eu les massacres de novembre, il y a eu les attentats de Charonne, il y a eu l'énorme manifestation qui a suivi l'enterrement des manifestants pour la paix qui avaient été écrasés contre les grilles du métro sous Monsieur Frey. Plus ils sentaient que les événements tournaient en leur défaveur et que vraiment la paix allait inexorablement triompher pendant les négociations, tout le temps, ils ne voulaient pas accepter cette situation. Et ce qui est terrible, c'est que on voit ça maintenant en Europe de l'Est ou ailleurs, ou en Bosnie-Herzégovine ou autre, des gens qui, je parle des petits blancs, par exemple d'Oran, que j'ai bien connu, qui étaient des gens qui votaient à gauche, qui étaient des gens très sympathiques, qui vivaient avec les musulmans, qui mangeaient le méchoui ensemble, et qui prenaient la nisette le soir. Peut-être le musulman, il n'en prenait pas parce qu'il ne buvait pas d'alcool, mais il mangeait... Ils prenaient autre chose, mais ils étaient des copains. Puis je les ai vus tout d'un coup devenir des ennemis, mais ennemis à un point inimaginable. Alors je suis allée au moment où les négociations, où le cessez-le-feu a eu lieu. Le cessez-le-feu a eu lieu. Hein, je pense que c'était en mars. Enfin, ça sera vérifié. Et le vote devait avoir lieu le 1er juillet. Là, je vous parle de 62. C'est là que nous avons pu nous dire que nous avions chassé le nazisme en 44, nous pensions jamais revoir des choses pareilles, et puis on l'a vu, parce que il y a eu une période transitoire où le gouvernement de M. Farès, la République provisoire, se tenait à Rochinoir, et donc là il était en sécurité et les campagnes étaient calmes. La LN avait fait taire les armes. Partout. Et pour faire craquer, c'était diabolique comme idée, hein, pour faire craquer les nerfs des Algériens et leur faire briser par une provocation leur attitude raisonnable de cesser le feu, les responsables de l'OAS d'Alger, par exemple, d'abord, ils ont fait sauter l'embauche des dockers. Après, ça a été la journée Fatma. Parce que les Fatmas, c'était les femmes de ménage. Les femmes n'avaient rien d'autre à faire que ça. Donc elles descendaient des quartiers musulmans élevés autour de la ville pour faire le ménage chez patron. Ils les tuaient d'une balle dans la tête. Alors, ils n'avaient plus de femmes de ménage. Après, c'était la journée des postiers. Tout postier musulman qui entrait, c'était la purification ethnique, vous voyez. Il était tué. Alors, moi, j'étais tantôt à l'hôtel à Leti, qui était donc au milieu de ces tueurs, ou tantôt à Rochinoir pour téléphoner mes papiers, comme tout le monde. Mais pour aller de l'un à l'autre, c'était pas facile, on risquait de se faire repérer. Et même moi, j'avais des ambitions plus folles que les autres. Alors j'ai voulu, avec l'accord de la Vilaya d'Alger, j'ai voulu aller dans les quartiers musulmans. Et je suis allée visiter la clinique... du Clos Salambier, notamment, où j'ai vu les blessés et qu'on apportait là. Je me souviens d'une très jolie femme qui était couchée dans son haïk blanc et qui regardait mon chauffeur qui était algérien, qui m'avait amené là, et qui lui disait « Pourquoi vous nous avez laissé tomber ?» Pourquoi vous ne nous avez pas vengés ? Elle lui disait ça à lui, mais lui, il dit, on ne peut pas, ma sœur, on ne peut pas, sinon c'est pas l'indépendance, sinon c'est pas la paix. Mais on leur tuait leurs femmes pour qu'ils rompent le cessez-le-feu. C'était affreux, quoi. Et puis, j'avais un confrère, quoi, qui habitait à la Leti, il était yougoslave, il avait fait la guerre... contre les Allemands, tout ça. Puis un jour, il entre dans ma chambre, il était vert, il me dit, mais qu'est-ce que c'est ce pays? Il transpirait, terrible. Et j'étais là devant l'hôtel à Leti, et il y avait un petit gamin qui vendait des oranges. Et puis il y a d'autres gens, des gamins finalement. Et ils lui ont tiré 3 balles dans la tête et puis ils sont mis à danser autour des oranges. Alors moi j'avais déjà vu ça une fois, je m'étais tenue comme il faut, j'avais pas marqué mon étonnement, tout ça. J'étais passée, puis là, quand même, je devais faire une sale gueule. Alors les gens dans la rue m'ont dit, ça te plaît pas à toi? Ça te plaît pas de voir ça? Alors ils ont voulu me lyncher, je suis sauvée, voilà. Et il est allé dégueuler dans la salle de bain. Enfin, l'OAS Alger s'est calmé. Enfin, se sont rendus, quoi. Bon. Et tout semblait calme. Il n'y avait plus qu'un point où, avant les négociations, c'était l'enfer, c'était Oran. Entre les communautés françaises et musulmanes. Voilà 150 ans que nous nous entendons, que nous vivons entre nous, qui se sont créés des amitiés très durables et très sincères, et qu'il n'y a jamais eu qu'un seul fossé creusé par l'incompréhension de la métropole. Il est creusé entre les Français de la métropole et les Français d'Algérie. Bravo ! Algérie française ! Algérie française ! Algérie française ! Les briquets ne doivent pas être allumés ce soir. Deuxième message. Les piscines doivent rester pleines. Ici Radio France, la voix de l'Algérie française. Français d'Algérie et de métropole. Aujourd'hui, mardi 10 octobre, vous entendez la trouvaille des émissions. À partir de ce soir minuit. De suspendre les combats et d'arrêter les destructions. L'OAS, au nom de la communauté européenne, est prêt à s'engager dans le chemin qui est ouvert. Ici, la voix de la République algérienne. Moi, je ne savais pas trop quoi faire à Rochinois parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Alors, j'ai vu un garçon qui était dans la même situation que moi, qui était Jean-Pierre Farkas. Il était beaucoup plus jeune que moi. Je crois qu'il avait été rappelé. Il était lui-même du contingent, mais j'étais un jeune journaliste. Il était à Radio Luxembourg. Alors, je lui dis donc, t'as pas envie d'y faire un tour, toi, Oran? Parce qu'il n'y a personne qui peut y aller, paraît-il. Parce qu'ils veulent faire la peau à tous les métropolitains, tous les gens de la métropole, disait-il, on leur fait la peau. France Soir, tout le monde fait la peau. On ne peut pas entrer. Ils avaient fait le blocus de la ville. Et puis, il me dit, si, moi, je veux bien, je suis partant. Je laisse toute mon équipe ici, pour l'air de son, tout. On s'en va tous les deux. Et puis, je lui dis, moi, je peux... Si tu veux bien jouer cette aventure, alors... Il me dit, moi, ça m'intéresse ce que tu me dis, parce que j'ai des amis à Oran, que j'ai connus quand j'étais militaire, et je peux donc, des amis européens, je peux donc les voir, et même peut-être par eux connaître des gens de l'OAS, et puis voir ce qui s'y passe réellement, si c'est exagéré ou pas, ce qu'on nous dit. Et puis moi, je viens de parler avec le monsieur qui dirige la wilaya autour d'Oran, et nous pourrons sortir par la wilaya qui nous donnera le droit de passage. Donc ça paraissait tout à fait ok. Et quand nous sommes partis comme ça, et j'ai vu que le soleil a été obscurci par l'homme. Quand on est arrivé sur la route qui mène à Oran, on a vu une fumée noire qui obscurcissait le soleil, parce que l'OAS venait de faire sauter tous les dépôts de carburant. C'était... J'ai pensé à un proverbe que m'avait dit un Iranien. Il m'avait dit « Si toute la misère du monde faisait de la fumée, le ciel serait noir à jamais. » J'y pense souvent, même maintenant, quand je pense à ce qui se passe dans le tiers-monde. Bref. Alors là, on entre, on voit tout de suite les gars du contingent qui étaient là. Et puis, il y en a un qui dit... Il y avait une espèce d'HLM. Puis, la première chose que j'ai vue, c'était du sang. Et le jeune appelé nous dit « C'est le sang d'un copain, parce que maintenant, il nous tire dessus. » Ah, bon, d'accord. Alors, on est allé à l'hôtel Martinez, et puis... Dès le lendemain, on avait déjà sous nos portes la condamnation à mort de l'OAS. Alors, bon. Mais il y avait mon amie Liesterna, Christina, qui était là, qui, quand elle m'a vue, m'a dit « T'es folle, tu vas nous faire tous prendre, tu vas tous nous faire tuer. Tu ferais mieux, tu n'aurais pas dû venir, parce que moi, ils ne se méfient pas de moi, mais toi, s'ils te voient, bon. » Et puis, on a fait notre travail, on a réussi à envoyer un article, lui à RTL, moi à l'Humanité, où j'ai... Alors, le jeu consistait, là, à informer sur un ton riant. Parce que l'OAS était sur la ligne et faisait ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, Algérie française en morse, pour nous faire bien sentir qu'ils étaient sur la ligne. Alors, moi, je dictais dans ma stylo de presse, dans genre... 36 explosions de Strunga ce matin. Les minoteries sont en feu. La gare flambe. Les carburants Shellbert ne sont plus que fumée. 5 gars du contingent ont été abattus par l'OAS. Peu de journalistes se risquent dans cette redoute, etc. C'est passé. Ça a été publié. Seulement le lendemain, Farkas frappe à ma porte et puis il me dit « Dis donc, tu dors, toi ?» Puis pendant ce temps-là, il y a les PTT qui ont sauté. Alors comment tu veux qu'on transmette nos trucs ? On ne peut pas transmettre, il n'y a plus de PTT. On a voulu sortir de la ville, qui était en proie à la déraison la plus totale, et où pas un musulman ne pouvait mettre le pied, hein, parce que dès qu'un musulman entrait, par exemple pour vendre des gâteaux, je ne sais pas quoi, enfin, n'importe quoi, même dans les hôpitaux, on les achevait avec la bonne piqûre, la piqûre d'eau de Javel, c'est dire. Hein, bon. Il y avait un monsieur, un Français, un pied noir avec son fils, hein, et qui était allé pour ravitailler les mechta autour, avec, il vendait des gâteaux, c'est son métier. Quand il est revenu, ils ont été tués, enfin tués à moitié, achevé dans l'ambulance. Enfin, c'était ça, quoi. C'est la haine, quoi. Alors, nous, on a reçu... On a été tués à l'Oranès, quoi. On a reçu sur notre petite traction avant de location, complètement pourrie, on a, sur l'autoroute qui va vers Mostaganem, un gros camion bâché a cherché la collision et nous a fait une collision frontale, quoi. Et heureusement, Farkas m'a sauvé la vie, ce salaud, hein, parce que j'étais en train de lire je sais pas quoi, et puis j'étais assise à la place du mort, et puis il m'a dit, il a crié, « Oh, les salauds !» Alors, moi, j'ai regardé, je me suis roulée en boule, et puis plus de sang, plus de lumière, quoi. Bon, je me suis réveillée à l'hôpital d'Oran, où il n'y a plus de médecin, où il n'y a plus d'infirmière. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus quelques bonnes sœurs qui étaient restées. Et puis quelques petits vieux qu'on n'avait pas pu enlever. Puis, alors, j'étais sur la table d'opération. Tout ce que je sais, j'entendais comme s'il y avait la mer, l'océan dans ma tête. Et quelqu'un criait. C'était moi. On était en train de raccommoder mon genou... sans anesthésie. Et puis, il y a une voix qui a dit allô à une personne qui avait un accent caractéristique. Mais qui c'est cette fille? Mais c'est une Algérienne. Moi, je te dis que c'est une Algérienne. D'abord, elle n'a pas ses papiers d'identité. Puis, pendant ce temps-là, on me recousait. Puis une bonne sœur qui disait, mais laissez-la, cette pauvre femme, elle était avec un journaliste français. Ouais, mais pourquoi elle a la main de Fatma sur sa bague? Bon, je vais acheter une petite bague à Casbah. J'aurais mieux fait de ne pas l'acheter. Alors, je suis revenue à moi à une vitesse supersonique. Puis j'ai dit, monsieur, je suis française et parisienne. Puis hop, je me suis évanouie. Mais ça m'avait sauvée quand même, parce qu'ils étaient en train de se demander ce qu'ils allaient faire de moi. Mais Farkas, lui, il avait été scalpé. Il était scalpé, il était recousu, ce qui lui a fait un joli, joli cicatrice à montrer aux dames. C'était moi qui avais pris tout, parce que très galamment, au moment ultime de la collision, il m'avait présenté au coup du camion. Il a légèrement tourné la voiture, mais c'est naturel. Ça s'appelle l'instinct de conservation. De toute façon, c'est bien, parce que si on avait été tués tous les deux, ça n'aurait pas été... Enfin bon... Enfin, c'est gros dur. Alors lui et moi, on est restés 3 jours. C'est la première fois de ma vie, et de la sienne, et sans doute la dernière, qu'on est restés 3 jours et 3 nuits, étendus sur des lits jumeaux, dans une chambre, un monsieur, une dame, comme ça, à moitié groggy. Moi, j'avais plusieurs fractures, fractures multiples, fractures du crâne, tout ça. Je déconnais complètement, je racontais je sais pas quoi. Puis lui, quelquefois, c'était lui. Et puis finalement, on a été délivré de toute cette affaire par un broussard de l'armée française qui est glorieusement venu chercher les deux journalistes rescapés, dont depuis 2 jours, on annonçait à toutes les heures dans les radios la disparition, la mort à peu près certaine, le fait qu'on était sans nouvelles d'eux, etc. Ce qui, pour nos familles, évidemment, n'était pas tellement agréable. Mais enfin, quand nous sommes revenus dans un broussard, et nous nous sommes jurés une amitié éternelle, il nous semblait que nous nous ramenions l'un l'autre vers la vie. Et en dessous de nous, il y avait les sillons, des sillons fraîchement faits, et... Je trouvais que c'était très beau et je me sentais très lyrique et j'avais envie de dire voilà la trace de l'homme sur la terre. Enfin, ça. Bon. Imaginez la fin du correspondant de guerre à peu près comme la fin d'Icare telle que l'a dépeint Bruegel le Vieux. Je ne sais pas si vous voyez ce tableau. Bruegel le Vieux montre un paysage où aucun détail ne manque, un paysage où il y a un homme qui laboure et qui découpe, qui a une tunique rouge, je me rappelle, qui découpe la terre avec le soc de sa charrue comme un gâteau. On voit dans ce paysage la mer, on voit des moutons, on voit un berger, on voit un tas de choses, un navire et Icare. Où est Icare? Icare est à l'angle droit en bas du tableau, et on ne voit qu'une petite jambe qui émerge encore de la mer, qui a avalé tout le reste. Et c'est ça la fin du correspondant de guerre. Il tombe au coin du tableau, un jour du temps, un jour de l'histoire, sans que personne ne se détourne pour simplement le voir tomber. Bien ou pas bien, c'est ainsi. Vous l'aimez ce mot de correspondant de guerre, correspondante de guerre. Vous dites peu journaliste, vous dites j'étais correspondante de guerre. Bah, c'est pas tout à fait la même chose. Vous savez, en parlant de journaliste, je voudrais pas être méchante avec personne, mais enfin, quand nous sommes rentrés avec Jean-Pierre Farkas dans l'avion de l'armée française, le Broussard qui ramenait les journalistes blessés d'Oran jusqu'à Alger, l'aviateur plein de gentillesse nous a tendu un François sur lequel il y avait une photo qui tenait toute la page. On voyait brûler les dépôts d'essence. Et il y avait un titre qui faisait 6 colonnes à la une qui était « J'ai vécu Oran, l'apocalypse », un truc comme ça. Et nous nous sommes dit, on était encore naïfs à ce moment, « Oh, il était là-bas, celui-là ?» On ne l'a pas vu. Et puis quand on est arrivé à l'aéroport d'Alger, on était la veille du vote des Algériens pour l'indépendance, et il y avait une bande de jeunes journalistes qui arrivaient pour couvrir l'événement, et quelques reporters chevronnés, enfin quelques journalistes justement qui étaient là, dont celui qui avait écrit l'article, qui est trop connu pour que je lui donne je dise son nom. Et nous, nous sommes descendus, l'un soutenant l'autre, couverts de sang. Et nous avons eu comme aide d'honneur la file de jeunes journalistes qui attendaient pour prendre l'avion pour aller au rang, pour voir comment se passait le scrutin. Et ces jeunes gens nous regardaient avec envie, car nous avions sur nous l'odeur de l'incendie et du sang. Et nous étions blessés. Ils nous regardaient avec une certaine envie. Et le vieux journaliste, avec son sac de marin sur le dos, qui avait écrit le bel article « J'ai vu Oran l'apocalypse » par des dépêches d'agence et du bar de la Letty devant un double whisky, s'apprêtait à monter dans l'avion. Quand il nous a vus, il a, peut-être pour la première fois de sa vie, rougi. Il ne m'a jamais pardonné. Correspondante de guerre, c'est la caméra, le micro ou le stylo à la place de la mitraillette ? Exactement. Et ça veut dire qu'on est là avec les gens engagés totalement. Souvent, Madeleine Riffaut, quand on vous parle de cette époque où vous étiez journaliste à l'Humanité, où vous étiez correspondante de guerre à la fois en Algérie et au Vietnam, on se dit que vous avez épousé la cause toujours de ces peuples en lutte pour leur indépendance. Et puis on vous dit aussi que peut-être vous avez été aveugle sur certaines de leurs pratiques ou finalement sur ce à quoi ont parfois abouti ces régimes et qui peut-être étaient prévisibles. Ouais, et souvent ça, vous répondez, je pouvais difficilement faire autrement. Et c'est vrai qu'on vous dit. Non, mais dites, écoutez, on vit un jour à la fois. Hein. Je sais pas, vous sortez dans la rue, vous voyez un grand balèze qui est en train de tabasser un môme, vous avez commencé par gueuler contre le grand balèze qui tabasse le plus faible. Et puis, c'est peut-être après que vous apprendrez que le plus faible, il avait volé son portefeuille ou j'en sais rien. Mais enfin, de toute façon, la première réaction, qu'est-ce que c'est qu'être journaliste engagé, comme j'étais, bon, mon travail, c'était de témoigner de ce que je voyais, maintenant que les politiques en fassent ce qu'ils voudront. Mais moi, je voulais rapprocher les peuples. Je voulais que... C'était pas un rêve? Ben, j'avais un rêve, oui. J'avais une utopie. J'étais sympa, dans le fond. Moi, je voulais pas que les petits Français fassent la guerre aux petits Algériens et tout ça, comme ça. Bon, on a l'impression que vous ne regrettez rien, et c'est tant mieux. Moi, je regrette pas. Qu'ensuite, certains régimes soient devenus détestables, ben, il n'y a pas que chez eux. Hein. C'était des gens qu'on n'a pas aidés. Hein. Il faut voir les destructions qu'il y a eu, par exemple, au Vietnam, les destructions qu'il y a eu en Algérie, ou les non-constructions. Enfin, des gens, des pays du tiers-monde, des pays terriblement pauvres qui ont accédé à l'indépendance qu'ils désiraient à un moment donné. Chacun a droit à cela. Et puis après, c'est leur histoire. Moi, vous voyez, j'ai senti que j'étais un journaliste le jour où, à Bizerte, en 61, j'ai vu enterrer 400 femmes et enfants pendant le cessez-le-feu, ensemble, avec les mouches dessus. Et ce jour-là, avec Christina, nous avons filmé et photographié, sans dégueuler. Bon, et ce jour-là, je me suis dit, ça y est, tu es devenu journaliste, parce que tu as pu, devant des femmes et des enfants massacrés, prendre ton appareil photo avant de sortir ton mouchoir. Voilà. Parce que avant je sortais mon mouchoir, je pleurais, mais là je faisais un métier, mon travail. Ensuite, vous êtes allé manger un steak. Oui, justement, parce que de rage, si vous voulez. De rage. Au fond, je me rends compte maintenant que tout ce que j'ai pu dire ici de la guerre d'Algérie est évidemment très incomplet, puisque nous ne sommes pas ici pour faire de l'histoire, mais aussi parce que l'accident qui a failli me coûter la vie à Oran m'a pas seulement coûté une partie de ma vue, mais a provoqué chez moi une amnésie assez longue, due au coma très long qui avait suivi le choc. Et il y a des choses, des dates dont j'arrive pas à me remettre dans la tête. Mais tout ce que je peux dire, c'est que en 57, par exemple, bien avant, mais enfin, au moins en 57, l'Algérie était devenue tout entière le lieu du supplice. Et plutôt que de dire par le détail les horreurs dont j'ai été témoin, je préférerais laisser l'auditeur écouter la lettre que M. Paul Tedjian a envoyée pour se démettre de ses fonctions à ses supérieurs. Parce que voyez-vous, parmi tous ces généraux qui ont été la cause, qui ont torturé eux-mêmes et fait torturer, la plupart d'entre eux sont maintenant lavés de toute condamnation, bien qu'ils se soient battus directement contre la France au moment du putsch raté des généraux et dans l'OAS. Et le fait de les nommer et de parler d'eux pourrait amener sur cette chaîne des poursuites judiciaires dont je serais navrée. Alors, donc, je préfère ne pas les nommer, mais laisser parler Tedjian. Alger, le 29 mars 1957. Monsieur le ministre, le 20 août 1956, vous m'avez fait l'honneur d'agréer ma nomination au poste de secrétaire général de la préfecture d'Alger, chargé plus spécialement de la police générale. Depuis cette date, je me suis efforcé avec conviction et à mon poste de vous servir, et quelquefois de vous défendre, c'est-à-dire de servir avec la République l'avenir de l'Algérie française. J'ai aujourd'hui la ferme conviction d'avoir échoué, et j'ai acquis l'intime certitude que depuis 3 mois nous sommes engagés, non pas dans l'illégalité, ce qui, dans le combat mené actuellement, est sans importance, mais dans l'anonymat et l'irresponsabilité qui ne peuvent conduire qu'aux crimes de guerre. Je ne me permettrai jamais une telle affirmation si, au cours de visites récentes, effectuées au centre d'hébergement et de Paul Cazel et de Benny Messou, je n'avais reconnu sur certains assignés les traces profondes des sévices ou des tortures qu'il y a 14 ans je subissais personnellement dans les caves de la Gestapo de Nancy. Or, ces deux centres d'hébergement, installés à la demande et par l'autorité militaire d'Alger, sont essentiellement pourvus par elle. Les assignés qui y sont conduits ont d'abord été interrogés dans les quartiers militaires, après une arrestation dont l'autorité civile, qui est celle de l'État, n'est jamais informée. C'est ensuite, et souvent après quelques semaines de détention et d'interrogatoires sans contrôle, que les individus sont dirigés par l'autorité militaire au centre de Benny Messou, et de là, sans assignation préalable, et par envoi de 150 à 200, au centre de Paul Cazel. Sur quelque 275 000 déportés, nous ne sommes plus que 11 000 vivants. Vous ne pouvez pas, monsieur le ministre, me demander de ne pas me souvenir de ce pourquoi tant ne sont pas revenus, et de ce pourquoi les survivants, dont mon père et moi-même, doivent encore porter témoignage. تملك توم عقلي تملك تمو عقلي وطرفي ومسمعي Madeleine Riffaut, La mémoire sauve. Édouard Campras, Jean-Pierre Juncker, Marie-Christine Closet, Ludovic Cellier. وروحي وأحشائي وكل بإجماعي واتيتموني في بديع جمالكم ولم أدري ولم أدري في بحار الهوى أين موضعي ولم أدري في بحار الهوى أين موضعي. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 6 août 1993. Prochain rendez-vous dans les maquis Viet Cong. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.